Qu'est-ce qu'on essaye? Parce qu'il faut que j'aille chercher un truc dans les... Attends, vas-y, propose. S'appelait Sarah, elle n'avait pas un ici et maintenant. Elle avait les yeux clairs, la robe en ville, à côté de sa mère. Je ne peux pas copier les paroles, y'a de la publicité. Et ça m'énerve. Putain, tu vas chercher les paroles, il y a plein de publicité. J'essaie de trouver les paroles de la chanson. J'ai un peu de mal avec les publicités. À chaque fois qu'on clique, il y a une page qui s'affiche pour les copier. Oh, j'arrive pas à les copier. Voilà, tu peux. Bon, je vais en chercher un autre. Putain, il y a 50 paroles, c'est plein de publicité. Ah. Est-ce que je vais y arriver, ça j'en suis pas sûr. J'ai pourtant essayé, ça fait un moment. Chaque fois j'ai eu une cité qui m'a pris. Je vais réessayer en passant par ici. Putain, j'en suis à trois adresses à chaque fois. J'ai tout bloqué mon ordinateur à force de télécharger n'importe quoi. Ça c'est malin, maintenant j'ai la boutique des Trois Suisses. Je ne veux pas acheter un sac aux Trois Suisses. J'en ai rien à foutre des soldes et des 50%. Je suis bloqué comme un con sur ordinateur. Ah, je vais sur je dessine pas. Je crois que je vais y arriver avant 19h. Ça y est, j'ai réussi. C'est une catastrophe. Je vous remercie de la patience. Non, j'ai pas de... Non, pas en 32, c'est... Ouais, ouais, 32, pardon. Voilà, j'ai voté. Si, si, je crois. Si, si. Elle avait les yeux clairs. Elle avait les yeux clairs. Un peu trop de saturation. Elle avait les yeux clairs. La robe en vin. Au côté de sa mère, la femme est au cœur. Elle pense un peu distraite tout seul. De la fin du jour. N'est pas bonne, mais l'ombre est bonne. Le bonheur en personne et la douceur en scène. Elle aimait la musique, c'est toujours un amour. Puis Mozart, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. On l'a vu. Tu veux de la batterie? Attends, je vais mettre de la batterie. Je vais chercher de la batterie. Je vais chercher la batterie. Cette batterie là. Ah non, ça c'est la batterie un peu trop. Oh putain, c'est un peu trop. Jack. Oh, c'est nul cette batterie. Chose, attends. Je vais la mettre autre chose. Bon, j'ai trouvé une autre. Une autre batterie. La batterie, non. Ça. Ça c'est la batterie. C'est une batterie un peu énervée, je pense. Ma batterie. Elle a au bon Dieu, à côté de sa mère et la famille Dieu, en position distraite au soleil de la fin du jour. Heureusement que Yo-Yo à la guitare. mètres de soleil de la fin des jours. J'entends pas Titi. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, j'ai changé le refrain. Comme toi, comme toi, Titi. Comme toi, Titi. Elle allait à l'école. Non, j'ai trompé, yo-yo. Yo-yo-yo-yo-yo-yo. On commence. Hey. 1, 3, 6, 12. Les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour, pose un peu distraite au soleil de la fin des jours. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi. toi. Je regarde tout bas. Yo-yo. C'est un chemin de cailloux, plein de cailloux. Encore une feuille qui se pose sur ma guitare. Putain, j'ai plein de... Moi, j'ai des coupures d'ordinateur. Faut que je me relance, là. C'est quoi le tempo là, t'entends? Ça s'appelle comment cette chanson déjà? Si on essayait... Tempo. Il est où le tempo? Il faut tempo. Que je trouve la batterie. Là. Tempo. Putain, il n'y a pas de tempo. Je trouve une batterie. Attends, on va en voter, on va chercher un morceau. Bon, je vais vous faire un. On va essayer un morceau inconnu du YouTube. Je vais essayer de le foutre sur ce truc là. Ouais, j'ai la batterie. Ouais, c'est quoi ça? Oula, oula, oula. Ouais, pas terrible de trucs. Oh merde, c'est quoi ce truc là? Elle est nulle la batterie. Notre batterie. Depuis que j'ai mis Windows 7 là, j'ai tout enlevé mes trucs. Attendez, j'ai trouvé. Il y a d'autres batteries. C'est celle-là alors. Hein. Histoire d'avoir un tempo. Alors, on va une autre. C'est quoi cette espèce de cymbale là? Ça va aller ça. 2, 3. Je vais le caler. Ça va aller, ça. C'est quoi ton morceau ? Ah, bien. Ça marche ? Impeccable. J'ai raté le départ du train. Ah, ça ira, ça. Ouais. Mais c'est bon, 90. Il faut que le batteur. C'est pas grave, regarde. Is it getting better? Or do you feel the same? J'ai pris les paroles, il y a tout fait. Cela va-t-il mieux? Putain, j'ai pris toutes les paroles. Ils ont traduit. Merde, j'ai perdu. Que c'est là. Attends, mais je vais regarder ici. Ah, mais non, mais là j'ai mis c'est le rythme de Weaver with Weaver with You. Oh putain, c'est quoi ça? Attends, j'essaye un truc. Voilà. C'est bien One le morceau. Les paroles. Mon ordinateur, il est mon comme une chute. Ah, ça y est, j'ai vu. Getting better. Do you feel the same? Quand tu veux, Benji. Là. Attends, tu peux agrandir cette page. Je fais connaissance avec le Windows 7 parce que. Ah merde, on a 100 là. On a 100, ça y est. Il manque un vote pour accélérer. Oui, c'est la démocratie, il hein. Faut voter. Ah ben, on a combien là? On a 90? Ben j'ai voté, moi. Faut que je vote alors. Ah ça y est, ça marche. C'est bon. On va accélérer la petite machine. Alors attention. Oh, calme-toi, calme-toi petit, calme-toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est qu'il y a eu la bonne idée d'accélérer ce morceau. Je crois que tu t'es trompé. Ah, ça va trop vite là. Ah, tu veux laisser comme ça? Il y a un panneau 90, on ralentit les gars, il y a les flics. Il y a les flics qui vont passer. Baby, if you don't care for me, Il a des affaires.